1993, 15 piges, 1er juin, première cuite, première plainte, première garde. 4 ans plus tard, premier kilo cheat payé cash. 4 saisons plus tard, le sac de sport rempli à mort sur la banquette arrière. 4 jantalus sur la caisse, début de l'histoire. Rappeur de whisky dans la laine, bénéf planqué dans l'armoire. Canon si en cas de problème, gomme connu sous le siège. Les Yankees sont réguliers, viennent chaque semaine avec la paye. Obligé d'en bousculer une paire quand les paiements prennent du retard. La même année, première carotte, les mecs te baissent des fois pour que dalle. Ben Laden reste introuvable. 2 ans plus tard, premier sachet de coke dans les chaussettes. Premier Yankee régulier accro au talc. Le genre de tox qui débarque à deux plombes du mat. Putain quelle vie de merde, ouais, loin de la vie de rêve. Du moment que ces connards payent, on s'en branle. L'ennui c'est que les tox parlent comme des concierges. Et Dieu sait que les stupes les aiment. Vie de rêve, on l'a voulu chez nous pas Tony Montana. Beaucoup d'accidents de parcours et au final il reste quoi. La vie de rêve, on n'y croit plus, ouais, plus rien nous étonne. Beaucoup d'erreurs et de regrets, en somme on a vida des mières. La vie de rêve, on l'a voulu chez nous pas Tony Montana. Beaucoup d'accidents de parcours et au final il reste quoi. La vie de rêve, on n'y croit plus, ouais, plus rien nous étonne. Beaucoup d'erreurs et de regrets, en somme on a vida des mières. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vendu. J'ai cru construire mon rêve dans la rue. Mais les ennuis m'ont reçu, les emmerdes me guettent. Et le shit fait recette, la thune rangée dans des cassettes. Par liasse, je bouffe ma thune avec les frères et les pétasses. C'est éphémère, c'est sûr, j'assure. La sape, les polos et les chaussures. Les costumes et la dope que je consume. J'assume, je fume, je chime. J'enrhume tout ce qui passe. J'en veux toujours plus, je touche le haut. Et parfois sonde le bas, ça sans la hnouche, le numéro des crocs et la merde. Je sais que les matons m'attendent et ils sont juste en bas. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être un gangster, mais pas comme ça. Je suis en cellule avec Hamid, ancien toxique. On n'a pas une clope ni un kahwa. La vie de rêve pour moi, c'est ça, hein. C'est ça, oui, la vie de merde. La vie de rêve, on l'a voulu chez nous pas Tony Montana. Beaucoup d'accidents de parcours et au final il reste quoi. La vie de rêve, on n'y croit plus, ouais, plus rien nous étonne. Beaucoup d'erreurs et de regrets, en somme on a vida des mières. La vie de rêve, on l'a voulu chez nous pas Tony Montana. Beaucoup d'accidents de parcours et au final il reste quoi. La vie de rêve, on n'y croit plus, ouais, plus rien nous étonne. Beaucoup d'erreurs et de regrets, en somme on a vida des mières. Le shit me bouffe les neurones autant que l'alcool me bouffe le foie. Sous l'effet constant de la défense, je deviens paranoïaque. Pire pour mes Yankees qui pensent qu'il n'y a pas le poids, qu'il y a une arnaque. Quand tu méfies du matin au soir, t'as plus envie de faire quoi que ce soit. Les flics enquêtent, le proc à la dalle, les poucaves se mettent à table. Chaque mois un proche tombe, ça sent pas bon, ça sent la tôle. Faut se mettre ouvert en attendant que ça se tasse. Dans mon cas, je suis définitif, fallait bien passer à autre chose. Mets une croix sur le bise où ton concierge sera maton. Et si les flics te font la bise, c'est pour mieux te mettre le bâton. Tu l'as cherché pour te faire frapper, au fond. Tu as réussi, la caisse, la thune, les putes. C'est un rêve que tu poursuis. A tort, ton avenir est tout tracé. La zone ou la mer, parfois la mort. A toi de voir la vie de rêve entre le parloir et le cimetière. A l'appel de la peine, des regrets par centaines. Des histoires qui n'en valent même pas la peine. La vie de rêve, on l'a voulu chez nous pas Tony Montana. Beaucoup d'accidents de parcours et au final il reste quoi. La vie de rêve, on n'y croit plus, ouais, plus rien nous étonne. Beaucoup d'erreurs et de regrets, en somme on a vida des merdes. La vie de rêve, on l'a voulu chez nous pas Tony Montana. Tout accident de parcours et au final il reste quoi. La vie de rêve, on n'y croit plus, ouais, plus rien nous étonne. Beaucoup d'erreurs et de regrets, en somme on a vida des merdes. La vie de rêve, on l'a voulu chez nous pas Tony Montana. Tout accident de parcours et au final il reste quoi. La vie de rêve, on n'y croit plus, ouais, plus rien nous étonne. Beaucoup d'erreurs et de regrets, en somme on a vida des merdes. La vie de rêve, on l'a voulu chez nous pas Tony Montana. Tout accident de parcours et au final il reste quoi. La vie de rêve, on n'y croit plus, ouais, plus rien nous étonne. Beaucoup d'erreurs et de regrets, en somme, on a vida des merdes.